Le fil de perles par Alphonse Esquiros. Le 13 novembre 1793, au plus fort de la terreur, une berline de voyage s'arrêta devant une auberge sur la route de Lyon. Il y avait dans cette berline une femme et deux hommes. La jeune femme, grosse de 8 mois, avait été surprise, au milieu des rudes chaos de la voiture, par les premières douleurs de l'accouchement. Les voyageurs demandèrent une chambre, un lit et un médecin. On envoya à la ville voisine. L'arrivée du docteur, retardée par le mauvais état des chemins, se fit longtemps attendre. L'angle doux de son petit cheval noir l'annonça enfin sur les cailloux de la route. Mais ses soins étaient désormais superflus. La comtesse de T venait d'accoucher d'une fille. L'un des deux hommes était le père de cet enfant, l'autre était un ami, le marquis de la Bretonnière. Tous les deux cherchaient à gagner la frontière pour se jeter ensuite en Italie. Des rideaux de grosse serge verte enfermaient le lit où Madame la comtesse de T était retenue pour ses couches, et une chandelle de suif jaune éclairait la figure inquiète de son mari. « Nous devrions être maintenant, » dit-il en regardant sa montre, « près de Saint-Étienne, où les relais nous attendent. » Cependant, un bruit de chevaux retentit au dehors. Un murmure confus s'éleva dans l'auberge. Des palourds montèrent l'escalier. Le comte de T entendit fort distinctement frapper à la chambre de son ami. « Le marquis de la Bretonnière ?» demandèrent des voix rudes et sinistres. « C'est moi, » répondit-il. « Au nom de la loi, nous vous arrêtons, » dirent alors dans l'ombre les gardes. Ces hommes suivaient depuis quelques heures la berline du marquis, à cheval et en silence. Le marquis se présenta entre deux gendarmes à la porte de son ami. La séparation fut déchirante. « Tiens, Georges, » lui dit-il à voix basse, en lui glissant son portefeuille, « voici des papiers que tu auras soin de faire remettre à mon fils. » « Je compte sur ton amitié. » Et les deux amis s'embrassèrent pour la dernière fois. Quand le péril de sa tête se fut un peu éloigné, le comte de T, qui avait pris pour accompagner son ami une livrée de valets, s'approcha du lit de sa femme. La malheureuse n'avait pu supporter tant d'émotions à la fois. Elle tourna vers son mari des yeux alourdis et lui montrant son enfant. « Je te la recommande, » dit-elle. Puis elle mourut. Quand le comte Georges de T se fut un peu remis des horreurs de cette nuit lamentable, il ouvrit le portefeuille. Il y avait une lettre non cachetée pour le fils du marquis, et dans cette lettre, une traite de 200 000 francs. Le fils du marquis était aux Grandes Indes. Une pensée infernale traversa la tête du comte. Le voilà qui était père. Il avait une fille qui promettait d'être jolie comme un ange. Il se sentait déjà pour elle une affection intarissable. Tout l'amour qu'il avait eu pour la mère était passé sur la tête de cet enfant. Le fils du marquis était un mauvais sujet, dont son père n'avait jamais su rien tirer, et qu'on ne reverrait peut-être jamais. Où le trouver, ou lui écrire « Les Indes sont si loin !» Et puis le comte avait rendu à son ami des services réels, que celui-ci avait oublié de payer. L'accompagner dans un moment où sa tête était proscrite, se dévouer pour lui aux chances d'un voyage périlleux, perdre dans ce voyage fatal sa femme qu'il aimait, étaient des sacrifices au-dessus de la vertu humaine. Ruiné par la Révolution, le comte envisageait avec frayeur l'avenir de sa fille. Ces 200 000 francs étaient une dot envoyée par la Providence. Il n'y avait là aucun témoin. Sa conscience seule pouvait lui reprocher un jour cette action. Mais le motif en était si pur, si noble, si excusable, c'était pour sa fille. Le comte alla au berceau de son enfant, elle dormait. Ses petites mains semblaient chercher encore la main des anges. À la voir si jolie, si douce, si innocente, le père sentit ses entrailles s'émouvoir devant la pauvreté à laquelle elle était désormais condamnée. Et la nuit, l'occasion, son cœur et le démon le poussant, il déchira la lettre. Ceci fait, il détourna les 200 000 francs du fils du marquis pour les porter décidément sur la tête de sa fille. Cependant, l'horizon politique commençait à s'éclaircir. Des brises plus douces chassaient les nuages révolutionnaires du ciel de France, où devait bientôt rayonner la tête impériale de Napoléon. Le comte de T, émigré en Italie, rentre alors en France avec sa fille. Caroline, c'est le nom qu'on donna à cet enfant, venu au monde dans une nuit si orageuse, était un prodige de grâce et d'esprit. Elle n'avait pas 7 ans, que dans toutes les sociétés, c'était à qui la tirerait sur ses genoux. Ses réparties charmantes, ses grands yeux mélancoliques, sa voix, d'un timbre pur comme l'argent, lui attirait partout dans le monde des succès précoces qui comblaient d'aise le cœur de son père. Veuf, dans un âge peu avancé, le comte avait toujours refusé de se remarier. Sa fille remplissait tout son cœur. Si les autres la trouvaient charmante, lui la trouvait indéfinissable. C'était une adoration sans fin devant cette petite créature blonde qui lui rappelait sans cesse des mots passés et doux souvenirs. Caroline était pour le comte une fleur éclose sur le tombeau de la femme qu'il aimait. La position du comte s'était beaucoup améliorée par le travail. Il obtint de l'empereur un emploi dans les armées qui le conduisit en peu de temps à une seconde richesse. Après l'Empire, vint la Restauration qui le fit rentrer par une forte indemnité dans les biens qu'il avait perdus sous le régime de la Révolution. Il se trouva de la sorte dans une position financière très brillante qui lui permit de tenir une maison à Paris. Caroline, encore toute jeune, en faisait les honneurs avec la grâce et l'habitude d'une femme mariée. Depuis la nuit horrible, le comte avait soustrait au fils du marquis la somme de 200 000 francs. Il était rentré dans ses habitudes invariables d'honnête homme. Il avait même poussé la délicatesse pendant l'émigration jusqu'à ne pas toucher dans les temps de crise et de malaise à cette dite somme qu'il regardait comme la dot future de sa fille. Les années volent comme des papillons sur la tête fleurie et couronnée de roses des jeunes filles. Caroline touchait à ses 17 ans. Le comte, sans lui en rien dire, commençait à chercher des yeux un mari à sa fille. Il n'y avait qu'à choisir, car naissait un bourdonnant de jeunes hommes, tous mieux les uns que les autres, tournés autour de cette jeune belle. Caroline était blanche comme l'hermine. Elle avait les traits délicats, le col parfait en grâce et en tournure. Joignez à cela des petites mains charmantes et une expression dans le regard qu'on ne retrouve pas aux autres femmes. Déjà plusieurs s'étaient déclarées. Mais Caroline était difficile et en avait bien le droit. Elle repoussa leurs mains doucement. Sous prétexte qu'étant fort jeune, elle avait le temps d'attendre et de fixer son choix à loisir sur celui qui serait le mieux lui plaire. Son cœur était en effet entièrement libre. Elle avait pour tous ce sourire bienveillant mais indéterminé des jeunes filles qui n'ont point encore rencontré leur idéal. Cependant, un jeune homme nouvellement arrivé des Indes demanda à se présenter dans la maison. Le comte de T le reçut avec un embarras très visible. Sa fille, au contraire, en fut très frappée. Elle le trouva beau malgré son teint bruni par le soleil. Ce jeune homme revint aux soirées du comte. Caroline se surprit à le regarder plusieurs fois, malgré elle, avec des yeux particuliers, et à force de le voir, d'y penser, de le trouver beau, charmant, distingué, elle l'aima. Ce jeune homme était le marquis de la Bretonnière, le fils de celui auquel le comte de T avait soustrait l'héritage de son père. Il revenait des Indes avec une grande fortune. L'indemnité offerte par le gouvernement aux émigrés le fit encore rentrer dans une partie des domaines de sa famille qui s'élevait à plusieurs millions. Son père était mort aux Indes après avoir acheté les torts d'une jeunesse orageuse et prodigue par les travaux sérieux du commerce. Le comte Alexis de la Bretonnière demanda la main de la comtesse Caroline de T. Le comte accepta cette demande avec joie. Il y voyait un moyen de se délivrer des maudits 200 000 francs qui, depuis 17 années, faisaient peser sur sa conscience troublée un poids énorme. Il avait essayé à plusieurs reprises de les faire passer dans les Indes, mais l'occasion lui avait toujours manqué. Par le moyen de ce mariage avec le petit-fils de son ami, cet argent allait retourner naturellement et sans effort au légitime propriétaire. Caroline aimait le marquis. Nous n'avons pas besoin de dire que celui-ci adorait Caroline. Ainsi tout allait au mieux, et l'on fixa le jour pour signer le contrat de mariage. Ce jour-là, les jeunes amis de la comtesse, envieuses de sa beauté et de son bonheur, vinrent chez elle en grande toilette. Dans le groupe de ces blondes filles brillait Fanny de Saint-Marc, la camarade de classe de Caroline. « Comme te voilà belle aujourd'hui !» lui dit celle-ci. « Je serais encore mieux, » reprit Fanny, « si l'on ne m'avait pas pris mon fil de perles. » Caroline joignit les mains en signe de surprise. « Comment, ton fil de perles volé ?»« Mon Dieu, oui, ma chère, 60 000 francs. »« Papa a chassé ce matin la femme de chambre sur laquelle tombent les soupçons, mais cela ne m'a pas rendu mon collier. » Et Fanny passa ses jolis doigts sur ses yeux rougis par les larmes qu'elle avait versées le matin. Ce fil de perles d'un grand prix était un cadeau de sa marraine. On l'avait dérobé si adroitement qu'aucun des objets qui l'entouraient dans la commode n'avait été dérangé de place. Cependant, l'heure était venue de signer le contrat. le notaire en cravate blanche et habit noir, attendait le marquis de la Bretonnière qui était sorti depuis quelques instants pour lire une lettre mystérieusement remise à son valet par un inconnu. Voici ce que contenait cette lettre. « Monsieur, je dois, en qualité d'ami, vous prévenir que la femme à laquelle vous unissez votre nom et votre main est atteinte du plus vil, du plus odieux et du plus infâme de tous les vices. Pas de signature. » Quand le marquis rentra au salon, il était très pâle et il signa le contrat d'une main tremblante. Quelques jours après, le mariage se célébra avec pompe. Caroline, en robe blanche et en bouquet de fleurs d'oranger, produisit dans l'église un effet inouï. On montait sur les chaises pour la voir passer, et tout le monde portait envie au marquis. Celui-ci, au contraire, avait l'air sombre. Depuis cette lettre inquiétante, rien pourtant n'était venu troubler ses espérances de bonheur. Il était raisonnable d'attribuer cet écrit anonyme à quelque rival jaloux et supplanté. Aussi M. de la Bretonnière reprit-il en sortant de l'église toute l'aisance et toute la sécurité qui convenait. Caroline acheva de dissiper les nuages de son imagination par le plus amoureux des sourires. Le soir, après le dîner, il y eut bal. Les amis de Caroline se dispersèrent dans la maison sous prétexte de réparer leur toilette. En vérité, pour fureter en curieuses filles d'Ève qu'elles étaient, la corbeille de noces. C'étaient des objets d'un luxe fou. Les tiroirs de la commode regorgeaient de cadeaux. Cependant la joie, la musique et la danse régnaient au salon, quand Fanny entra tout agitée et alla parler à l'oreille de sa mère. Bientôt un nuage sombre monte au visage de Madame de Saint-Marc qui sort avec sa fille. Minuit hésitait à l'horloge et les deux époux allaient se retirer dans leur chambre avec la joie dans les yeux, quand un domestique annonce qu'un inconnu demande à parler à monsieur. « Qu'il attende à demain, » répond le marquis. « Je n'attendrai pas, » dit l'homme en forçant l'entrée du salon. « J'ai une lettre à vous remettre et comme vous m'avez l'air peu d'humeur à la lire ce soir, je vais vous en dire le contenu. » Un fil de perle de grand prix a été volé avant-hier chez Mademoiselle Fanny de Saint-Marc. Ce collier, monsieur, se trouve dans le second tiroir du secrétaire de votre femme. » À ces mots, Caroline, qui blanchissait de moment en moment comme une statue de marbre, s'évanouit. « C'est une calomnie infâme et que vous payerez de votre tête, monsieur, » reprit le marquis avec emportement. « Suivez-moi tous dans la chambre de ma femme. » Et prenant un flambeau, il alla au tiroir indiqué. Le collier de perles s'y trouvait. Alors le père de Caroline se jeta entre sa fille évanouie et le marquis irrité. « Ce n'est pas elle qui est coupable, » dit-il avec une majesté de vieillard. « C'est moi. Il y a 17 ans, j'ai voulu détourner au profit de ma fille une somme qui appartenait à votre père. Le ciel m'en a puni. Je suis l'auteur de sa faute et de son déshonneur. Je n'y survivrai pas. » En disant ces mots, le comte se jeta dans sa chambre, dont il brisa la clé dans la serrure. On entendit presque aussitôt un coup de pistolet, et avant qu'on ait eu le temps de lui porter secours, le vieillard était mort. Le marquis n'acheva point ses noces horribles et retourna aux Indes. Caroline prit le voile au monastère de T, mais elle garda jusqu'à la mort les traces d'un vice incorrigible et passé dans le sang. Au couvent, elle dérobait des épingles, des chapelets et des images, et s'en accusait ensuite, sans que l'humiliation de l'aveu pût la guérir. C'était Le fil de perles, par Alphonse Esquiros.